الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. cours numéro 17 قراءة الفاتحة. la lecture de الفاتحة. on demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et les musulmans. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دك نعم أفاك إن شاء الله يعني ce salon se déroule dans les meilleures conditions, comme on a pu voir avec la fatwa de Cheikh Abdul Raqib Al-Kokabani, hafizahullah ta'ala. Il nous a enjoint à ce que les participants sur ce forum-là ne soient pas appelés par leur nom, de manière à ce qu'on ne peut différencier l'homme de la femme. C'est-à-dire les personnes qui avaient un ancien compte, il leur a demandé de changer d'identifiant, c'est-à-dire de recommencer, d'ouvrir un nouveau compte. Ceci nous prend quelques minutes, Inch'Allah. Donc, voilà ce qu'il nous a recommandé, Cheikh Abdul Raqib Al-Kokabani. Et c'est une recommandation, Inch'Allah, qui doit être prise en compte, car elle ferme les portes, Alhamdulillah, à beaucoup de mal. Inch'Allah, donc on va commencer par la révision du cours de la semaine dernière, qui avait tourné autour de Al-Isti'aza et de Al-Basmala. Donc, le cours de la semaine dernière, il a tourné autour de Al-Isti'aza ou Al-Basmala. L'Isti'aza qui est la demande de refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Al-Shaytan al-Rajim, et la Basmala qui est le fait de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. On a pu voir que Cheikh Al-Albani a évoqué, dans la préface de ce paragraphe, le jugement de Al-Isti'aza, qui peut nous rappeler le jugement de l'Isti'aza. Recommandé. Il y a un khilaf dans cette mas'ala, donc dans ce sujet-là, il y a une divergence. Mais comme on a pu le voir, c'est que l'avis qui est prépondérant, c'est qu'elle est obligatoire. Hatta qala Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, qala yani yasta'idh billahi ta'ala wujuban wa ya'tham bi tarkihi. Il dit, il lui implique, il lui est obligé de prendre la demande, de prendre refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, et s'il ne le fait pas, il a commis un péché. Comme on a pu voir, la preuve qui nous prouve cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قَرَأْتَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu veux lire le Coran, prends refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre Shaytan al-Rajim. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne en nous disant fasta'id, qui est un verbe impératif, yani amr, qui est ma'rouf, comme on a pu l'évoquer plusieurs fois, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani l'islam, de manière générale, nous ordonne une chose, son ordre est en effet calé, yani fait date d'une obligation. À partir du moment qu'il n'y a pas de texte qui prouve le contraire. Et comme c'est le cas ici, il n'y a rien qui prouve le contraire. Donc, à savoir, c'est que Al-Isti'aza, c'est une chose qui est wajib, c'est une chose qui est obligatoire. Si j'oublie, je corrige. Si tu l'oublies, comme on va le voir, Inch'Allah, tu as, comment ça s'appelle, dépassé le moment où tu peux revenir dessus. Dans ce cas-là, Inch'Allah, comme on va le voir, Inch'Allah, je pense qu'il y en a dans le résumé, que la personne, lorsqu'elle délaisse une obligation, pour combler l'oubli, elle vient avec la prosternation des distractions. Donc c'est ça, c'est une obligation. Et on a pu le voir que son jugement est différencié de la première unité de prière à la deuxième ou troisième ou quatrième unité de prière. On a pu le voir, il y a quel jugement de l'istihada dans la deuxième unité de prière ou bien la troisième ou la quatrième unité de prière. Si vous vous rappelez, on avait dit que son jugement, c'est qu'il est recommandé. Il est recommandé pour la deuxième, troisième ou quatrième raka'a. Normalement, vu l'aïa, comme on a pu l'évoquer la semaine dernière, vu l'aïa, c'est que elle est obligatoire à tout moment. À chaque fois que tu relis la prière, moi je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Ça aurait été moi, ça aurait été, si le jugement n'en tenait qu'à moi, j'aurais jugé qu'il est obligatoire de lire l'istihada dans chaque unité de prière. Mais lorsque j'ai documenté un petit peu les livres de jurisprudence, j'ai vu aucune personne qui a évoqué le jugement de l'obligation. Donc, celui qui n'a pas atteint le degré de l'ijtihad, c'est-à-dire qu'il peut lui-même atteindre ce degré par lequel il fait des jugements par lui-même, il déduit par lui-même, à partir du moment qu'il n'a pas atteint ce niveau-là, et que les ulama n'ont pas attesté qu'il a atteint ce niveau-là, il se doit de s'en tenir à son niveau de talab al-ilm, et non de mufti. Nous, on n'avait personne qui a évoqué l'obligation, donc on s'en tient à ce qu'on dit le ulama. Et si on connaît une personne parmi les ulama qui ont dit cela, on suit l'avis de celui qui a dit que c'est une obligation. Jusque-là, je n'ai pas trouvé, je trouve aucune personne qui l'a dit, mais il suffit qu'il y ait une personne parmi les ulama qui l'ont dit, et Inch'Allah, qui sont considérés, Inch'Allah, on prend cet avis-là, car c'est l'avis vers lequel nous penchons. Mais comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il y a qu'à shuzud fil mas'ala. Donc prends garde à ce que tu sois, il y en a des positions seules, il y en a dans les masa'il, il y en a dont personne ne t'a précédé parmi les salaf. Et naham, adahua. Fait ou Allah alam, il y en a, on s'en tient à dire que c'est mustahab. À partir du moment qu'il a dit, dans la première dite prière, ça devient mustahab pour la deuxième, troisième et quatrième. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, on a pu voir qu'à tel cas, il y en a les formules qui sont légiférées pour cela. On a pu voir qu'il est possible de varier entre les formules de l'istihada. Qui se rappelle des formules qui peuvent être prononcées pour l'istihada, pour la demande de refuge? Donc la réponse est la première, une formule qui est possible de dire, c'est A'udhu billahi, je recherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan al-rajim, min hamzihi wa nafrihi wa, t'as oublié une chose, nafatihi. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه قلنا الجنون يعني le fait que le shaitan يعني il te rend possédé ونفخه le fait qu'il te rend orgueilleux وبارك الله فيكم ونفسه on a dit c'est le kalam al-batil le kalam qui est vain ça retrouve aussi kazalika les poèmes qui sont vains et kazalika قالوا الكلام الردي يعني les paroles يعني qui n'ont vraiment pas d'importance qui sont d'un bas degré ça c'est une formule qui a été authentifiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été dit du prophète sallam qu'il a dit kadhalika yani a'udhu billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi yani la même invocation que la première laquelle avec l'ajout de as-sami' al-'alim. Tamam? Quelle est l'authenticité de cette formule? Comme on a pu voir, naham, c'est daif. On a pu voir, il est dans les turuq, c'est-à-dire les versions des hadiths qui ont été évoqués. Dans certaines versions, il y a une personne qui est mubham, c'est-à-dire on ne connaît même pas son prénom. Fadlan, qu'on connaisse son état religieux ou son état au niveau de la mémorisation. Dans une autre, une personne qui est majhoul, c'est-à-dire on ne connaît ni son état religieux et ni son état de mémorisation. Et une autre version dans laquelle, cette version-là, elle a été rouya ba'da al-ikhtilat, c'est-à-dire qu'après, elle a été prise d'un shir qui a atteint l'âge où il n'a plus la raison. C'est-à-dire qu'il narre des hadiths de manière contradictoire. Donc toutes ces choses-là, ce sont des causes qui rendent faible le hadith. Donc le hadith, il n'est pas authentique. Et ajouté à cela qu'on a pu trouver d'autres turuq, c'est-à-dire d'autres versions, dans lesquelles il a été rapporté cette formule sans l'ajout de As-Sami' al-Alim, sans ajout de As-Sami' al-Alim, comme cela est parvenu de l'imam Ahmed, rahmahullah ta'ala. Donc le hadith il est hassan, lakin sans l'ajout de As-Sami' al-Alim. Au cas de cas, parmi les formules qui sont possibles de dire, on a pu voir celle de Omar et de Ibn Hu, Omar et Abdullah ibn Omar. Omar ibn Khattab et son fils, Kadalikel avait pour habitude d'ouvrir la prière en disant quoi ? Je dois yani a'oudhu billahi minash shaytanir rajim bas. Yani sans rajouter min hamzihi wa nafkhihi wa nafasihi. Et on a pu voir que ça, c'est une formule qui est tout à fait légiférée de dire, car le Coran l'indique. قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن comme on a pu le voir, la mère des guidés c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on s'en tient ou pas on s'en tient, mais il est mieux de d'avoir plus l'habitude de demander le refuge auprès d'Allah azawajal par la formule min hamzihi wa nafkhihi wa nafasihi. Tamam. Donc on a pu voir qu'il y a deux manières de pouvoir demander le refuge auprès d'Allah azawajal. On avait dit, Yannick, c'est important de prendre un refuge, le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaytan Rajim, comme on a pu le voir, car Shaytan, comme l'a dit l'imam Sa'adi, lorsque tu veux entreprendre une bonne action, il s'empresse de vouloir te couper la route. T'as même de chambouler ou bien de faire, Yannick, à ce que tu ne puisses, Yannick, aboutir à ce que tu veux. Et on a pu voir que Shaytan, il a eu l'audace, Yannick, de venir chambouler les prophètes pendant la récitation. Donc, il nous dit, Shaykh al-Imam ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, si c'est le cas pour les prophètes, donc que dire pour nous? Donc il faut prendre vraiment ce refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de Shaytan, car il ne se gêne pas de vouloir faire pour que, de tout faire pour que ton adoration ne soit, soit incomplète ou bien soit invalide. Donc il faut vraiment prendre cette aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a pu voir aussi qu'à Zalika le jugement de la basmala. Est-ce que la basmala est une ayah? Est un verset parmi les versets du Al-Fatiha? Non, ce n'est pas un verset parmi les versets de Al-Fatiha. Connaissez-vous la preuve qui indique cela? Hadith Abu Huraira, dans lequel il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi nous dit, Qasamtu, yani, salati qismain. Wa salat huna, c'est qu'est-ce qui a été voulu? Dans le sens de la salat huna, c'est la Fatiha. Donc j'ai divisé la Fatiha en deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, une partie est pour lui et une partie est pour moi. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, tamam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur m'a loué. Il nous dit, si jamais Al-Basmala serait une ayah, un verset parmi les versets de l'Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit, si mon serviteur dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je dis cela et cela. Mais comme il a commencé par Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ceci nous prouve que Alhamdulillahi Rabbil Alameen, c'est le premier verset de l'Al-Fatiha et que Al-Basmala, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une ayah qui ne fait pas partie de l'Al-Fatiha, mais qui est une ayah, comme on a pu le voir, comme l'a évoqué Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé pour séparer les souars. Comme l'a dit Ibn Abbas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne savait yani, de quelle manière se terminaient les souras, excepté lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui faisait la révélation de l'Basmala, il savait que yani, cette surah-là est finie et qu'une nouvelle surah a été révélée. Donc c'est une ayah mustaqilla, qui est à part entière, qui a été révélé pour séparer le surah. Quel est le jugement de la basmala? Est-il obligatoire de la prononcer ou bien est-ce que c'est mustahab ou bien est-ce que c'est autorisé? Non, c'est recommandé. Car il n'y a rien qui prouve cela. C'est-à-dire, il n'y a rien qui prouve l'ordre, c'est-à-dire l'obligation. Un Nabi sallam est là, juste fait. Le fait qu'il l'ait fait, ceci prouve que c'est une recommandation et non une obligation. Car si jamais il aurait été obligé, il aurait ordonné à sa communauté. Et comme ce n'est pas le cas, donc on peut juger de cela qu'elle est une recommandation. Lakin, ce n'est pas pour cela qu'il faut la délaisser, comme on a pu le voir, car à travers la basmala, tu as une aide pour y accomplir ce que tu entreprends. Car comme on a pu le voir, le abd, il n'a aucune capacité de pouvoir achever une chose que par la volonté d'Allah Azzawajal. قال الله سبحانه وتعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc vous ne pouvez qu'à l'exception si Allah subhanahu wa ta'ala en a la volonté. Donc il faut prendre l'aide auprès d'Allah Azzawajal, comme on a pu le voir. Isti'ana, c'est la chose par laquelle tu peux accomplir les choses que tu veux. Et tu ne peux que par la volonté d'Allah Azzawajal. Donc il ne faut pas délaisser. Car on n'a aucune capacité de pouvoir faire les choses selon nos bons vouloirs. Et on a pu voir, kathalika barakallahu fikum, qu'il y a kathalika dans le basmala, une aide par laquelle tu te prémunis du mal de Shaytan ar-Rajim. Car comme l'a évoqué Cheikh Al-Muqbil, rahimahullah ta'ala, fi Jami' al-Sahih, dans son recueil, de hadith authentique, il a évoqué un hadith dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم تساغر الشيطان حتى صار كالذباب. Il nous dit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'abd, le serviteur, prononce بسم الله الرحمن الرحيم, Shaytan devient tout petit, se fait tout petit jusqu'au point de devenir comme une mouche. Jusqu'au point de devenir comme une mouche. Tamam. Donc, tu as dans l'istihadah et dans la basmala, tamam, une aide pour te prémunir du mal de Shaitan al-Rajim. Car lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah al-Azawajal, il est évoqué, le batil est disparaît et Shaitan se fait tout petit. Tamam. Donc il ne faut pas délaisser ces choses-là car on a vraiment besoin de se prémunir de cet ennemi déclaré qui est Shaitan. Inna Shaitan lakum adubun fattakhidhuhu adubwa. Donc Shaitan, c'est un ennemi déclaré, prenez vos précautions contre lui, prenez vos armes. Tamam. Il faut s'armer. Et la meilleure des armes, c'est demander l'aide auprès d'Allah Azzawajal et le refuge auprès de lui contre le mal de Shaitan al-Rajim. On a pu voir que le Sheikh Al-Albani a évoqué un dernier jugement qui est que la basmala yani, doit être dit d'une manière yani, bien précise. Yani, est-ce qu'on peut dire la basmala à voix haute ou bien à voix basse? Que ce soit dans les prières à voix haute ou à voix basse. Est-il possible d'élever la voix pour la basmala? Non. Yani, c'est à voix basse. Tamam. Ceci est à voix basse. Non, c'est à voix basse. Quel est le jugement de dire la basmala à voix basse? Est-ce que c'est une chose obligatoire ou que c'est une chose qui est recommandée? Tu vous rappelles, on a pu répondre en vérité à cette question-là, car la basmala, dans toute son intégralité, elle est recommandée. Tamam. Que tu la dises à voix basse, tamam, c'est recommandé. Tamam. Donc c'est le même jugement. Le jugement que vous avez évoqué au début, tamam, c'est un petit piège. Le jugement que vous avez évoqué au début, c'est le même. Tamam. C'est le basmala dans toute son intégralité. Ce jugement, c'est qu'il a recommandé. On peut voir qu'il y a un grand khilaf dans cette basmala, c'est-à-dire une grande divergence. Les ulama, ils ont divisé, se sont divisés en deux avis. Certains d'entre eux ont dit qu'il était préférable de la faire à voix haute et d'autres, ils ont dit qu'il était préférable de la faire à voix basse. On a pu le voir, comme vous avez pu nous l'indiquer, qu'il fallait le faire à voix basse, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Qui m'a dit à hadith, Anas ibn Malik, رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون صلاتهم بالحمد لله. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نودي كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر avaient pour habitude بارك الله فيكم d'ouvrir leur salat par الحمد لله رب العالمين c'est-à-dire à voix haute. Donc ils n'ont pas évoqué que le Nabi sallam disait basmala à voix haute. Et la chose qui était entendue du prophète sallam lorsqu'il ouvre la prière, c'est at-takbir afin qu'il soit suivi, que les Monsalloun, Kazalika, ceux qui sont présidés, rentrent dans la prière. Et ensuite, la seule chose qu'on entendait du Prophète sallam à voix haute, c'était qu'ils disent Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est-à-dire que le basmala ou l'istihaza n'était pas faite à voix haute par le Prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Kazalika nous a dit Ibn Abbas que le fait de faire cela, c'est la lecture des bédouins. Kazalika hadith Aisha qui nous disait que le Nabi sallam yani, ouvre la prière avec Alhamdulillah, c'est-à-dire en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin, yani à voix haute. Et quant aux preuves tamam, qui ont été évoquées pour justifier le jugement qui doit être fait à voix haute, il y en a comme on a pu le voir à travers la parole de Cheikh l'Islam qui nous dit que les hadiths qu'ils ont pris pour argumenter leur avis, soit il est sahih, c'est-à-dire il est authentique, lakin c'est pas attribué au Prophète sallam, c'est une chose qu'ont fait les Sahaba, ou soit c'est une chose qui est attribuée au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin qui est quoi? Qui est daif. Tamam. Et nous dit, yani, Ad-Dar Qutni, rahimahullah ta'ala, qui est imam al-ilal, celui qui avait la science des hadiths yani, auxquels il y avait des défauts, qui étaient d'apparence authentiques, mais auxquels yani, tu pouvais trouver des défauts. Tamam. Il nous dit que la plupart de ces hadiths-là yani, sont tous mawquf, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attribués au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais yani, c'est des efforts d'interprétation qui sont attribués aux Sahaba. Et comme on a pu le voir, les Sahaba, à partir du moment qu'ils ne sont pas unanimes sur une chose, ça ne fait pas de leur opinion et de leur avis une hujja, c'est-à-dire un dalil. Donc, ce qui a pu être évoqué de certains sahaba qui élevaient la voix haute, la basma la voix haute, cela a été fait pour une chose qu'ils ont vu qui était bon de faire. Lakin, khayrun al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et hatta certains d'entre eux, comme on a pu le voir, ils avaient deux opinions sur le même avis. Omar ibn Khattab, il est connu qu'il ouvrait la prière c'est-à-dire à voix haute. Il ouvrait la prière à voix haute que par l'hamdallah. Et dans une autre version, il a été dit qu'il a élevé la voix en disant basmala. Et dans une autre version, un tabiri nous dit j'ai prié 70 fois derrière Omar ibn Khattab et j'ai pu voir qu'il n'a jamais élevé la voix en disant basmala. Et Kazalika ibn Abbas, il a été connu qu'il a élevé la voix pour cela. Pour le basmala. Et dans une version, il a dit ça, le fait d'élever la voix pour le basmala, c'est la lecture des bédouins. Donc, yani, ces personnes-là, elles ont deux avis. Wallahu alam, c'est que, en vérité, comment on peut interpréter cela, c'est que l'avis où ils ont dit qu'il fallait lever la voix, c'est le sahaba, ils l'ont fait, yani, pour une chose qui est bien précise. Et l'avis où ils ont dit c'est la lecture des bédouins ou bien qu'ils n'ont pas fait, ça c'est yani, la base. Comme l'a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, yani, à partir du moment qu'on sait que certains sahaba l'ont fait, si jamais tu vois qu'il est meilleur pour toi d'élever la voix pour repousser l'ignorance et le mal yani, de certains gens de la masse, il nous a dit c'est mieux que tu fasses précéder ça au chahut et au conflit qu'il peut avoir, yani, si jamais tu n'élèves pas la voix en disant le basmala. Lakin, comme on a dit, Inch'Allah, même si jamais tu le fais, à la fin, c'est bien que tu fasses un exposé, un bayan, si jamais tu en as la possibilité, en expliquant aux gens le khilaf qu'il y a dans cette mas'ala-là, dans ce sujet-là, en leur précisant que la vie qui est prépondérant, c'est que le Nabi Sassam ne l'a pas fait et que le Nabi Sassam, c'est notre exemple et c'est lui qu'on doit suivre avant tout. Donc je pense, Yannis, c'est les seules choses qu'on a pu voir. Barakallahu fikum, Yannis. Sur le cours de la semaine dernière. فنبدا ان شاء الله وندخل في الدرس الجديد. قال رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة, la lecture de la Fatiha. Al Fatiha qui a pour sens dans la langue française yani l'ouverture. L'ouverture. Al Fatiha yani c'est la plus éminente des sourates par lesquelles le serviteur yani fait le prologue du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est autre que la prière. قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري. Accomplis la prière pour mon rappel. Donc la prière, c'est le rappel d'Allah سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى بارك الله فيكم a fait l'honneur à cette communauté, l'umma al-islamiyya, en leur légiférant et né pour son rappel qui est la salat, de faire l'ouverture du pilier de la religion par la lecture d'une sourate qui ni dans la Torah ni dans l'Injil ni dans Zabour, n'ont connu une révélation qui est semblable à la Fatiha. Comme l'a évoqué le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, et le hadith a été rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh Muqbil, rahimahullahu ta'ala. Et selon Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'étais-je pas informé de la meilleure partie du Coran? Puis, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam se mit à lire, alhamdulillahi rabbil alamin, yani al-Fatiha. Ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i et authentifié par l'éminent imam Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dit la plus éminente des sourates c'est la Fatiha, comme l'a évoqué cela a été évoqué dans le hadith qui précède. Donc, faire le prologue de la prière par la Fatiha, c'est faire l'ouverture de la prière par la meilleure des sourates qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée dans tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. L'imam Sam'ani, comme l'a rapporté le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, nous dit, étant donné que la prière est la plus noble des postures et le plus noble des actes yani d'adoration yani apparent, c'est ma'rouf que c'est la salat. Il nous dit, étant donné que la prière est la posture la plus noble que tu peux avoir devant Allah azza wa jalla, l'adoration la plus importante parmi les adorations et parmi les actes d'adoration apparentes, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'il a légiféré la plus noble et la plus éminente des sourates, pour la plus noble et la plus, le plus grand na'am des actes d'adoration apparentes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'honorer la salat en légiférant pour cela la lecture d'Al-Fatiha, qui est la lecture dont aucune révélation ou pas avant le Coran n'a connu, et qui est même, comme on a pu le voir, la meilleure des révélations du Coran. L'imam al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, nous dit, malgré que le Fatiha, il nous comprend que sept versets, ces versets sont peu, il nous dit, malgré cela, malgré que ces versets sont peu, elle comprend l'intégralité des sens que comprennent le Coran, il y en a dans toute son intégralité. Car il nous dit, une grande partie du Coran est basée sur Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la Seigneurie. Chose qui est comprise, car c'est dans le Fatiha. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah azza wa jalla, le Seigneur de l'univers. Une grande partie, car c'est du Coran, comme l'a évoqué l'imam Suyuti, même bien le tiers du Coran, comme l'a évoqué un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, surat al-Ikhlas, thuluthul Coran. La sourate de l'Ikhlas, qui est « Qul huwallahu ahad », c'est un tiers du Coran. Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahou ta'ala nous explique comment cela contient un tiers du Coran, c'est-à-dire que le Coran, un tiers du Coran est basé sur quoi ?« Tawhid al-asma wa sifat ». Tawhid, al-asma wa sifat. Un tiers du Coran, il est basé sur l'unicité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qui est kadalika, compris dans le Fatiha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi de, du jugement dernier. Donc tout cela, yani, ce sont des attributs et des asma qui sont propres à Allah azza wa jal, comme cela lui convient. Et il nous dit kadalika, une grande partie du Coran, elle est basée sur quoi? Sur la rétribution, sur tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid de l'adoration, qui est kadalika compris dans le Fatiha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul qu'on adore et de toi seul que nous implorons le secours. Et une partie kadalika du Coran, elle est basée sur la rétribution qui est réservée aux personnes s'étant conformées aux ordres divins. Et cela, c'est une chose qui est comprise kadalika dans le Fatiha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de bienfaits, de ceux que tu as comblé de bienfaits, car ils se sont conformés à l'ordre d'Allah azza wa jalla. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de son bienfait, chose qui est comprise dans le Fatiha. Et une autre partie du Coran, yani, elle est basée sur la rétribution qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée aux désobéissants et à ceux qui se sont qui ont contredit l'ordre divin d'Allah azza wa jalla, comme c'est le cas dans le Fatiha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ghayri al-maghdubi alayhim wa lan-dallin. Tamam. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, qui sont les juifs, et kadalika, de ceux qui se sont égarés, qui sont al-Nasara. Al-Imam ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit le Coran, dans toute son intégralité, il tourne autour de ces sens-là qui ont été évoqués. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat, Tawhid al-Uluhiyya, la rétribution qui est donnée pour ceux qui se sont conformés à l'ordre d'Allah azza wa jalla, et la rétribution qui est donnée à ceux qui ont contredit l'ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose, ces cinq sens-là, ils sont inclus dans la Fatiha malgré que ces versets, barakallahu fikum, ils sont de sept. Al-Sheikh al-Fawzan, plutôt hafidhahullah ta'ala, nous dit cette surah comporte kadhalika un sens à ajouter à ceux que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a évoqué, qui est Al-Fatiha dans toute son intégralité, et c'est une réfutation qui est faite à toutes les sectes égarées de l'islam. À toutes les sectes égarées de l'islam, et kadhalika les sectes qui ne sont pas, les sectes qui ne sont pas de l'islam. Car il nous dit dans le verset Alhamdulillah Rabbil Alameen, il a une réfutation qui est faite à qui? À toute personne athée qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillah Rabbil Alameen. Donc il affirme à lui-même, il s'est affirmé la seigneurie, tamam, en disant Rabbil Alameen, qui est le Seigneur. Tamam. Et la seigneurie, c'est ma'rouf. Le Seigneur, c'est celui qui crée, c'est celui qui, barlofikum, qui dirige, c'est celui qui donne vie, c'est celui qui donne, qui pourvoit, c'est celui, il a réveillé parmi les attributs de la seigneurie. Donc le fait qu'il a dit Alhamdulillah Rabbil Alameen, il y a une réfutation qui est faite à ceux qui sont athées et qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et à sa seigneurie. Il nous dit dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il y a une réfutation qui est faite à tout polythéiste, ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres. Car le fait que tu dises Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nous n'adorons que toi et de toi seul nous demandons ou n'implorons l'aide, ceci est une réfutation à ceux qui prennent l'aide en dehors d'Allah azza wa jal et qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas des associateurs. Il nous dit dans le verset Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, il y a là une réfutation qui est faite à toute personne qui n'attribue pas les sifat et les asma d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas des Asha'ira, des Jahmiya, des Mu'tazila, toutes ces personnes-là yani, qui n'attribuent pas les noms et les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qu'il se doit, ou même certains d'entre eux ne l'attribuent yani, carrément pas. Yani, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué ces sifat-là, qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, tamam, ou kadhalika, qabla dhalika, Rabbil Alameen, tous ces sifat-là yani, nous prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est caractérisé des sifat yani, les plus parfaits et des noms les plus parfaits. Donc ceux qui refutent cela, en réfutation qui leur est faite à travers ce verset-là. Ou kadhalika dans le verset غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ, il nous dit, Cheikh al-Fawzan, une réfutation qui est faite aux Yahoud, c'est-à-dire ceux qui ont qu'ils ont su, mais qui n'ont pas appliqué. Et au Nasara, tamam, ceux qu'ils ont ignoré et qu'ils ont appliqué, naam, sans science. Tamam, il dit, ça rentre dedans, kazalika, tous les mubtadi'a. Car tout mubtadi'a pense se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre qui n'est pas légiférée. Donc il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani sans science, comme c'est le cas d'un Nasara. Donc tout mubtadi'a, yani, il a sa réfutation qui est faite dans le verset غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ plutôt وَلَا الضَّالِينَ. Tout mubtadi'a, si jamais tu veux lui faire un rad, une réfutation, tu as juste à lui dire وَلَا الضَّالِينَ, ça suffit. T'as, tu lui dis, tu es en train d'adorer Allah azawajal par une chose qui n'est pas légiférée et par une chose dont tu n'as pas la science, par une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné la science pour le faire. T'as, donc وَلَا الضَّالِينَ, c'est une réfutation qui est suffisante yani, pour les mubtadi'a, pour ceux qui comprennent. Sourate Al-Fatiha, elle a été légiférée par la Tawfikoum et choisie pour l'ouverture de la prière, car elle est Ummul Kitab, qui est maqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ummul Kitab, c'est-à-dire la source à laquelle découlent les sens du Kitab, comme on a pu le voir. Cinq sens ont été évoqués par l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, et un sixième sens a été évoqué par l'imam Al-Fawzan, naham hafidhahullah ta'ala. Donc, tous les sens qu'ils ont évoqués là, par la Tawfikoum, elles sont comprises dans le Coran dans toute son intégralité. Le Coran tourne autour de ces choses-là qui sont comprises dans le Fatiha. Donc, les sens du Coran découlent de ce verset, plutôt de cette sourate qui est Al-Fatiha. Voilà pourquoi elle a été appelée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ummul Kitab. La référence du Kitab, la source à laquelle découlent les sens du Kitab. Parmi ces mots, barakallahu fikoum, kadhalika al-ruqiyya, qui est. Yani, Ruqiyya, c'est ma'ruf, yani, l'incantation, je ne sais plus comment ils appellent ça. À la kulli hal, yani, elle est une guérison. Elle est une guérison, yani, pour tout patient, l'ayant lu avec sincérité et avec conviction, comme l'a dit Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fi Riyad al-Salihin. Il dit, toute personne qui la lit avec sincérité et conviction, tamam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le guérir, tamam, elle sera, yani, une guérison pour lui. Al-Imam Suyuti, rahimahullah ta'ala, nous dit, la multitude d'appellations, car elle a plusieurs noms, elle a kadhalika, al-sab'u al-mathani, les sept répétitifs, naam, Ummul Kitab, comme on a pu le voir, al-ruqiyya, al-salah, comme on a pu le voir dans le verset, qasamtu al-salati bayni wa bayna abdi. J'ai divisé la prière en deux. L'imam Nawawi nous dit, le sens voulu par la prière, c'est al-fatiha, car elle est lue dans la prière. Tamam, et kadhalika, nasit ala kulli hal, j'ai pu évoquer ça, yani, dans le site, yani, dans tafsir al-Qur'an, et j'ai pu, yani, rapporter les sens, ou plutôt les noms qui sont appropriés à l'Al-Fatiha. Yani, cinq de ces noms sont authentifiés, et le reste, yani, demande barakoufikoum, qu'on regarde yani, par rapport à la chaîne de transmission. Est-ce que yani, c'est des choses qu'on peut attribuer à la Fatiha ou pas? L'imam Suyuti nous dit, j'ai pu connaître, ou bien j'ai pu trouver à cette sourate, yani, plus d'une vingtaine d'appellations. Et il nous dit, rahimahullah ta'ala, le fait que ces appellations sont multiples, ceci nous prouve qu'Al-Fatiha est d'une grande valeur, d'une grande et haute valeur. Car la chose dans la langue arabe, lorsqu'elle a plusieurs appellations, ceci nous prouve, barakallahu fikoum, qu'elle est d'une grande et haute valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, jazakumullah khairan, cette sourate-là, elle comprend la vocation dont tout musulman ne peut s'en passer et a le besoin, et même le besoin qu'elle ressent, ou bien le besoin qu'il ressent, yani vers cette invocation qui est comprise dans le Fatiha, elle lui est beaucoup plus grand que la nourriture, que le besoin qu'il ressent vers la nourriture et la boisson. Comme l'a évoqué l'imam Ibn Abil'iz, rahimahullah ta'ala, celui qui a expliqué Sharh, ou plutôt At-Tahawiyya, Aqidatu At-Tahawiyya. Cette invocation-là n'est autre que Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Car le chemin, yani qui mène au Jannah, yani le Sirat al-Mustaqim, yani le chemin de la droiture, yani c'est le chemin qui va t'amener au Jannah. Et comme le Nabi a pu nous informer, wa huffat al Jannah bil makari, il nous dit le Jannah, il est parsemé de tentations. Donc c'est la personne qui emprunte le chemin pour aller au Jannah, il va trouver à sa droite et à sa gauche, de cette droiture, de ce chemin droit, il va trouver des tentations qui vont le faire bifurquer et dévier de ce chemin-là. Si jamais le serviteur ne prend pas aide auprès d'Allah Azza wa Jal, yaka nasta'in, tamam, et il ne demande pas à Allah Azza wa Jal le fait qu'il reste sur le chemin droit, yani assurément, il va tenter, et même plus même, yani il va dévier de ce chemin-là. Donc, voilà pourquoi il nous est demandé, barakallahu fikoum, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré Al-Fatiha, car on a besoin de la guider beaucoup plus que le besoin qu'on ressent pour al-sharab wal-akl, c'est-à-dire la boisson et la nourriture. Donc il faut vraiment connaître l'ampleur de cette sourate-là et qu'elle ne devienne pas une coutume, une chose qui nous est coutumière sans méditer sur le sens et sur la grandeur, sur ces hautes sollicitations qui est compris dans la Fatiha. C'est une sourate qui comprend des hautes et des grandes valeurs et qui comprend la réussite du abd dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Car comme l'a dit Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, le fait que tu sois droit dans la vie d'ici-bas, que tu sois droit dans ce chemin de droiture, que tu ne dévies ni à droite ni à gauche, dans la mesure où tu seras droit dans ce chemin-là, tu le seras kazalika sur le pont qui va t'amener au Jannah, celui qui est édifié au-dessus de l'enfer. Fais-nous Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà et qui nous affermisse dans la guidée. Barakallahu fikum. Qala rahmahullahu ta'ala. Qala thumma yaqra surat al-fatiha bitamamiha. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, rahmahullahu ta'ala, ensuite, c'est-à-dire après qu'il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à voix basse, il nous dit, après cela, donc il doit se mettre à lire al-fatiha. Il la lit de manière complète. C'est-à-dire, il ne prend pas une partie, il délaisse une partie. Pourquoi elle a dit cela? Car il y a une divergence dans ce sujet-là. Lakin, une divergence qui n'y a pas lieu d'être. Car Annabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ثُمَّ قَرَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ. Annabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ensuite, il doit lire, et après qu'il a fait al-Isti'adha al-Basmala, il doit lire Umm al-Qur'an, qui est, barakallahu fikum, al-Fatiha, qui est parmi ses sens al-Fatiha, la référence, la source du Qur'an. Il doit dire Al-Fatiha, c'est-à-dire le fait qu'il nous dise qu'il doit lire Al-Fatiha, c'est-à-dire de manière complète. Si jamais ça aurait été de manière partielle, il aurait dit qu'il lit une partie de la Fatiha, mais ce n'est pas le cas. Et certains des ulama, ils voient, comme c'est le cas d'Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, ils voient que le fait que tu lises une partie du Coran, c'est-à-dire n'importe quelle ayah dans le Coran, c'était suffisant pour avoir fait l'ouverture de la prière par la lecture du Coran. Il nous dit que ce n'est pas obligé, il n'était pas obligé de lire Al-Fatiha, mais une ayah parmi les ayahs du Coran. C'est-à-dire il suffit de dire Alif Lam Mim et ensuite tu peux lire une surat après et tu fais ruku' directement. Ça, c'est un qol qui est batil jiddan. C'est un qol qui est vraiment loin, distant de toute la vérité. Car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Thumma qara bi umm al-Qur'an. Il dit lis Al-Fatiha en intégralité. Donc, cette parole-là qui a été attribuée à l'imam Abu Hanifa, c'est une parole qui n'a pas lieu d'être, et un khilaf qui n'a pas lieu d'être. Donc, comme l'a dit l'imam Al-Albani, ثُمَّ يَقْرَى سُوَاتَ الْفَاتِحَ بِتَمَامِهَا. C'est pour ça qu'il a rajouté بِتَمَامِهَا, car comme on a pu faire la préface dans la biographie de l'imam Al-Albani, c'est quelqu'un qui a connu al-fiqh al-hanafi, c'est-à-dire la jurisprudence selon la compréhension de l'imam Abu Hanifa. Et c'est pour ça qu'il rajoute cela, parce que Wallah alam, comme il connaît ce madhab-là, cette idéologie-là, cette manière de penser, certains, ils voient que tu peux lire n'importe quelle ayah du Coran et c'était suffisant. Ou bien lire une partie de la Fatiha et c'était suffisant. Non. Annabi sallam, il a dit, ثُمَّ قَرَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَكَذَلِكَ لَصَلَّةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Invalide la prière de celui qui n'aura pas lu Al-Fatiha. Donc la Fatiha, c'est ma'rouf, elle commence de Alhamdulillah Rabbil Alamin, elle se finit par Ghayr al-Maghdoubi alayhim wa al-Dhalin. Ça, c'est le Fatiha. Il dit Wal-Basmalatu minha. La Basmala a fait partie de Al-Fatiha. Comme on a pu le voir, ça, c'est une parole parmi les paroles des savants, lakin, c'est une parole qui est fausse, comme on a pu le voir. On a pu l'évoquer, Inch'Allah, dans la révision et dans le cours précédent. Donc, Inch'Allah, on n'a pas besoin de revenir sur cela. C'est une chose qui vous est connue. Qala wa hiya ruknun. Allez, et il nous dit, allez, tu es un pilier. Na'am, allez, tu es un pilier. Et ça, c'est selon l'avis de la majorité des savants. Donc, comme on a pu le voir, Abu Hanifa, il a divergé sur cela. Il a divergé sur cela. Lakin, comme on a pu le voir, l'avis prépondérant, c'est que Al-Fatiha, c'est un ruknun. Lui, il voit, Abu Hanifa, que tu peux lire n'importe quelle sourate. Donc, le fait que tu n'es pas précisément Al-Fatiha, il voit que c'est une chose qui est mustahab. Si jamais tu le fais, c'est bien. Si jamais tu le délaisses, il y en a pour une autre sourate, ou bien pour une ayah parmi le Coran, il nous dit ceci est suffisant. Mais comme on a pu voir, ça, c'est un qol qui est batil jiddan. Ce qol-là, il n'a même pas lieu d'être. En vérité, on peut même dire que le fait de dire ou de lire Al-Fatiha, c'est un pilier bil-ijma' par unanimité des savants, car il y a des preuves qui sont claires à ce sujet-là, Mais c'est possible que Abu Hanifa, yani, car c'était connu comme l'a dit Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, c'était une personne qui avait peu de hadith. Hatta yani, il a une parole dure sur lui, il nous dit Abu Hanifa, il est daif dans le hadith, il est daif dans le fiqh. Il nous dit, je connais d'Abu Hanifa, yani 100 hadiths. 90 parmi ces hadiths-là sont faux. Et 10 de ces hadiths-là, ils sont authentiques. Donc c'est pour nous dire que c'était quelqu'un qui avait peu, en vérité, de compréhension dans le dîn. Car le fait que tu connais 10 hadiths dans le dîn, ça ne peut pas faire de toi, yani qu'on dise que tu as une compréhension dans le dîn. T'aimes le fait d'avoir 10 hadiths, yani c'est ma'ruf, ça ne fait pas de toi, yani que tu peux être un imam et non plus quelqu'un qui est jurisconsulte. Lakin, rahimahullah ta'ala, il a fait l'effort de compréhension qui voyait qu'il était bon. On demande à Allah Azzawajal qu'il le pardonne. Donc on peut voir yani, que le Fatiha, yani, c'est un rukn. C'est un pilier parmi les piliers de la prière. Par la majorité des savants, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Illa salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab » yani, invalide la prière de celui qui n'aura pas lu al-Fatiha. Et il nous dit « Kazalika al-Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam la yudzi salatun la yuqra fiha bi fatihati al-kitab » Donc, « Kazalika » La prière ne sera pas valide pour la personne qui n'aura pas lu Fatihat al-Kitab. Donc ceci nous prouve que celui qui la délaisse, barakallahu fikum, sa prière est invalide. Abu Hanifa, yani, pour évoquer la preuve qu'il a pris, il a pris la globalité du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ et lisez ce que vous pouvez du Coran. Il a dit, donc nous on lit ce qu'on peut du Coran, il suffit de lire une ayah parmi le Coran et c'est suffisant yani, pour ouvrir la prière. Et il a pris Kazalika, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt les preuves qui lui ont été attribuées, c'est-à-dire que c'est peut-être même pas, yani, peut-être il a même pas pris ça comme preuve, mais ils ont trouvé une excuse à Abu Hanifa yani, pour sa parole qui est fausse, son avis qui est faux, ils ont trouvé ces excuses-là et ces versets-là. Et parmi les hadiths, ils ont trouvé le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit ثم قرأ ما تيسر من القرآن. Ce hadith est authentique. Mais comme on a pu le voir, ou plutôt, yani, comme on va vous l'expliquer, le Coran, on le comprend avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana linnas ma nuzila ilayhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je, pour vous, fais descendre, yani, ilaykum dhikra, c'est-à-dire la sunna, comme l'a dit Sheikh Al-Albani, li tubayyana linnas ma nuzila ilayhim, afin que tu expliques aux gens, yani la chose qui leur a été révélée, qui est le Coran. Donc la sunna, elle vient à l'éclaircir le Coran. Et on peut pas se permettre de prendre juste cette ayah-là et ignorer la salat al-liman lam yaqra bi fatihat al-kitab ila akhirih. Donc on fait précéder la chose qui est claire à la chose qui peut avoir des probabilités, ou qui est peut-être yani ambiguë. Le verset faqra'u ma tayassara min al-Quran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient expliquer ce verset-là, la salat al-liman lam yaqra bi fatihat al-kitab, yani lequel des deux est le plus clair, la shak wa la raiba fi, c'est que le hadith est le plus clair. Et le hadith, il vient pour expliquer cette ayah-là qui dit, faqra umma tayassara min al-Qur'an, et comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué, la prière n'est invalide si jamais tu ne lis pas al-fatiha. Hadha huwa as-sahih fi hadhihi al-mas'ala. Faqala hiya ruknun, wa la tasih as-salah illa biha. Il nous dit, donc c'est un rukn, et la prière n'est invalide, ne peut être validée que par la lecture de al-fatiha comme là. Dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ فَيَجِبْ عَلَى الْأَعَاجِبْ حِفْظُهَا. Il nous dit qu'il est obligé aux personnes qui ne sont pas arabes de l'apprendre, de la mémoriser. Car, comme on a pu le voir, la salat yani, se valide par la lecture de l'Fatiha. Si elle est délaissée, la salat elle sera invalide, elle sera rejetée. Donc les personnes qui sont non arabes, ils se doivent de l'apprendre et de l'apprendre de la manière yani, d'une manière qui va pas causer un impact sur la compréhension de l'Fatiha. C'est-à-dire, même s'il l'apprend, il doit l'apprendre et la réciter d'une bonne manière. Car comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, cela aussi incombe les Arabes. Celui qui la lit d'une manière qui va changer le sens de l'Fatiha, sa prière, elle est bâtée. Maintenant, la personne qui dit, au lieu de dire « Iyaka na'budu », en mettant le « med », en mettant le prolongement, après le Iyaka na'budu, il dit Iyaka na'budu, ils disent Iyak, fi l'orat al-arabiya, Iyak, bidouni shadda fil ya, il dit Iyak, ça veut dire quoi? Le soleil. Donc, la personne qui ne met pas la shadda, qui dit Iyaka na'budu, il est en train de dire C'est que le soleil que nous sommes en train d'adorer, et le soleil, et que c'est que le soleil auquel nous implorons le secours. Donc ça devient du shirk. À partir du moment où il change en sens de la Fatiha, le sens de la Fatiha, sa prière, elle est invalide. La prière, elle est invalide. Et même, il dit, Cheikh al-Islam Taymiyyah, l'ayadouz, il était interdit de prier derrière une personne qui ne sait pas lire la Fatiha. C'est-à-dire qu'il la lit en modifiant les sens de la Fatiha. Abadan, tu as droit de prier derrière cette personne-là. Donc, il nous incombe de l'apprendre et de l'apprendre d'une bonne manière. Lakin, ceux qui ne peuvent pas l'apprendre, pour ceux qui viennent vraiment rentrer dans le dîn, à qui l'arabe ne l'aurait pas facilité, la mémorisation de la Fatiha ne l'aurait pas facilité, comme va l'évoquer Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ils font du zikr. قال فمن لم يستطيع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et celui qui n'a pas la capacité de pouvoir la lire, tamam, comme c'est le cas des non-arabes, il nous dit, donc il se contente de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Walhamdulillah, Walillah, Walla ilaha illallah, Wallahu akbar, Walla hawala, Walla quwwata illa billah. Par rapport à cela, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a évoqué un hadith dont j'ai pas pu regarder jusque-là, l'authenticité de la chaîne de transmission, mais l'imam Al-Albani, c'est quelqu'un, barakallahu fikum, qui est connu pour son grand dévouement dans la science du hadith. Donc, Inch'Allah, on va prendre le jugement qu'il a dit. Il a ramené un hadith dans lequel il a dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui ne savait pas prier qu'il lise Al-Fatiha. Wa qala man lam yastati hifdhaha, celui qui n'a pas la capacité de la mémoriser, qu'il dise Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce hadith là il a été rapporté par Abu Dawud ibn Khuzaima wal Hakim wa Tabarani wa Ibn Hibban et authentifié par Al Hakim et Ibn Hibban. Donc, celui qui n'a pas la capacité de pouvoir la mémoriser, donc il se contente de dire ces invocations-là, ce dhikr. Et en aucun cas, il lui est légiféré de ramener le Fatiha de manière traduite. C'est-à-dire qu'il la lit selon la traduction des sens rapprochés du Coran, en français, matalan. Il vient et dit louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, ça c'est l'ayadouz, abadan. Même si jamais tu n'as pas la capacité de pouvoir dire la Fatiha en arabe, là, il y a juste que tu ramènes la Fatiha par la traduction de la langue française ou bien la langue allemande ou bien la langue anglaise. Abadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bilisanin arabiyin mubin. Et ce Coran-là, il a été révélé par la langue arabe. Donc, il ne faut pas sortir de la langue arabe. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya. Le Coran, il a été placé dans la langue, dans une langue arabe. Il a été placé dans une langue arabe et pas dans une autre langue. C'est-à-dire, on ne peut lire le Coran que par la langue arabe. Voici un verset explicite qui nous interdit de pouvoir lire le Coran par une langue autre que l'arabe. Donc c'est interdit, tamam. Ceux qui n'ont pas la capacité de dire, de lire le Coran, c'est-à-dire lire l'Al-Fatiha, kazalika, ils doivent, si jamais c'est dans la prière, ils doivent ramener al-dhikr. Car Allah subhanahu wa ta'ala, kazalika, ce qui nous prouve la parole de Cheikh Al-Albani, le Nabi sallam قال بارك الله فيكم ان هذه الصلاه لا تصلح فيها شيئا من الكلام من كلام الناس فانما هو التسبيح والتهليل وقراءه القران. Il nous dit le Nabi sallam, la prière, il n'est pas valable de parler pendant la prière, mais la prière a été légiférée pour faire du dhikr, le fait de dire subhanallah, le fait de dire la ilaha illallah et de lire le Coran. Donc celui qui n'a pas la capacité, inshallah, on espère que ce hadith-là est une chose qui lui permet de pouvoir dire subhanallah wal na'am wa la ilaha illallah, si jamais il n'a pas la capacité de pouvoir mémoriser tamam al-Fatiha dans la langue arabe. قال رحمه الله تعالى والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية. Il nous dit Cheikh Al-Albani, et la sunna lorsqu'il lit al-Fatiha, c'est qu'il la lit verset par verset, qu'il la lit verset par verset. Ça, c'est une sunnah. Mais si jamais, مثلا, il veut lier les versets. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il lit les versets. Et lui, ça, c'est tout à fait possible. Lakin, la sunnah du Prophète, c'est qu'il s'arrêtait à chaque verset. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmidin, Hakada. À chaque verset, la sunnah, c'est que tu t'arrêtes. Tu lis le Coran verset par verset. Qala yaqif ala ra'si kulli آيتين فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف après ça ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف ensuite il s'arrête وهكذا إلى آخرها donc il fait la même chose jusqu'à يعني terminer الفاتحة قال هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها il dit الشيخ الألباني رحمه الله تعالى Elle est telle était la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il lisait ayat verset par verset, et dit, yani, c'est pas connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y ait les versets, même si jamais tu pouvais trouver entre ces deux versets-là, yani, qui avaient un sens si jamais tu les liais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela, et Cheikh Al-Albani a pu évoquer, Na'am barakallahu fikum, un hadith par rapport à cela, qui a été rapporté barakallahu fikum, par Ar-Razi, wa Ibn Abi Dawud, wa Abu Nu'aym, Al-Hakim, et qui a été authentifié par l'imam Hakim. L'imam Al-Hakim. Donc, yani, ça, c'est une chose qu'il me dit qui a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une manière qu'il avait de lire. Donc, yani, il incombe, ou plutôt, il nous a recommandé, comme l'a dit l'imam Al-Albani, c'est recommandé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ordonné, de lire de cette manière-là, c'est-à-dire de s'arrêter à chaque ayah, de s'arrêter à chaque verset. Et il conclut, et sur cela, on va conclure plutôt, sur la parole du Cheikh Al-Albani. Qui dit ويجوز قراءتها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. Et tu peux dire pour le verset, il était autorisé de lire le verset مالك يوم الدين de deux manières. مالك يوم الدين en faisant المد en prolongeant le ما مالك يوم الدين comme c'est la قراءة qui est معروفة يعني la version de Hafs. Ou bien de dire مالك يوم الدين sans pour cela برضه comme mettre un med, c'est-à-dire se contenter de dire Maliki Yawmiddin, et cela, c'est la qira'a, il y en a qui est connue dans Al-Warsh. Et nous dit, Cheikh Al-Albani, Barakallahu Fikum, et nous dit, Wahadihi Al-Qira'a Mutawatira Kal-Ula. Donc le fait de dire Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin, ces deux qira'a-là, elles sont connues et ce sont des qira'a, ce sont des lectures qui sont tout à fait possibles. Inch'Allah, on va se contenter de cela. Barakallahu Fikum. Si vous avez des questions, ou bien s'il manque, vous avez besoin des éclaircissements par rapport au secours, tafaddal. Enfin, tu lis le Coran en arabe, mais les invocations, peux-tu en faire certaines en une autre langue? Tu te contentes? Les du'as que tu connais en arabe. Il dit, ce qu'il y a dans les cas, les du'as, Wallah alam, c'est pas connu qu'il a de dire en français, ça va? Exemple, c'est comment ça? Gloire à Allah et l'akhirihi. Wallahu alam, yani. Inch'Allah, on va poser la question. Le truc, c'est que, wallah alam, c'est en arabe qui doit être, ça doit être dit, tamam. Même si on peut comprendre, yani, par le hadith, innama huwa tasbih wa tahlil, le fait de glorifier Allah azawajal et de, proclamer son unicité, on peut comprendre que, yani, c'est une chose, yani, qui doit être rapportée par le sens. C'est-à-dire, même si jamais tu la ramènes en français, ou bien en allemand, ou bien en anglais, ahamu shay, yani, le plus important, c'est que tu as ramené le sens Yani, c'est-à-dire de glorifier Allah Azzawajal et de proclamer son unicité. Inch'Allah, on va poser la question pour cela. Et si jamais j'oublie pas, Inch'Allah, on vous fait part de la réponse lundi, Inch'Allah. Allahu A'lam. Non, tu ne glorifies pas. Tu demandes. Non. Là, c'est bien connu. Tu dois yani, faire un tasbih, c'est-à-dire, on n'a rien qui nous prouve que yani, on demande une chose. Non. Là, yani, c'est, il faut faire, yani, tu glorifies Allah Azzawajal, tu proclames son unicité, tamam. Pendant le sajda. Ah, pendant le sajda, s'il n'a pas la capacité, oui, il demande. Il demande à Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une autre chose. Nous, on parlait par rapport à la lecture de la Fatiha. Ama fi sujud, s'il n'a pas la capacité, non, il demande à Allah Azza wa Jalla. Hatta, certains ont dit, en français, il demande à Allah Azza wa Jalla. Certains ont dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, on peut plutôt invoquer Allah Azza wa Jalla par la langue qui nous est propre? Ils ont dit, non. Tu peux invoquer Allah Azza wa Jalla à partir du moment où tu n'as pas la capacité de le faire en arabe, tu lui demandes, et ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il connaît toutes les langues, surtout celles qui viennent du cœur. Donc yani, le fait, la personne qui, maintenant, il invoque Allah Azza wa Jalla bil lughati al-arabiyya, dans la langue arabe, mais il a un cœur qui est distrait. Il dit de la langue, mais son cœur est distrait. Il invoque, mais pas avec sincérité. Le but, ce n'est pas de l'invoquer dans la langue arabe, mais c'est de l'invoquer avec sincérité. Même si jamais c'est fait en français, la personne qui l'invoque en français avec un cœur, qui est présent et la khiri avec sincérité, c'est clair et net qui va être, Inch'Allah, mustajab. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer, sa demande. يعني فوق الله سبحانه وتعالى سلك كفخ توت للعلم. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني parmi les signes, les miracles d'Allah عز وجل, c'est qu'il a créé les cieux et la terre. Et il a fait, et il a alterné يعني les langues et les couleurs. Il a varié les langues et les couleurs. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الحمد لله بكل لسان. Louange à Allah عز وجل, celui qui est loué dans toutes les langues. Donc celui qui n'a pas la capacité de pouvoir demander en français, en arabe, il le dit dans sa langue, inshallah. Mais c'est la capacité de dire en français, en arabe, yani, il doit délaisser yani, sa langue française. C'est, peut-être qu'il y a une bid'a. Le fait que tu as la capacité de pouvoir le dire en arabe, et tu délaisses l'arabe pour le français, Wallahu alam, de ce jugement-là, inshallah, on posera ces deux questions-là. Est-ce que c'est une bid'a ou pas? Celui qui a la capacité de lire ou bien de demander dans la langue arabe et qui le fait dans sa langue natale. Le fait de lire ayah après ayah, c'est propre à la Fatiha, non, c'est propre au Coran entier. Allah. Il dit, yani Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, wa hakadha kanat. Non. Il dit, hakadha kanat qira'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam kullaha. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, et c'est ainsi qu'était la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute son intégralité. C'est-à-dire, que ce soit le Fatiha ou bien autre. Comment c'est écrit dans le résumé. Donc c'est pas propre à la Fatiha. Non. Y a-t-il d'autres questions? Comme on a pu le dire, hein, Inch'Allah, comme j'ai pu le voir hier, certains ont levé la main. Ça, c'est le meilleur des choses. C'est-à-dire qu'au moins, le prof, il sait qu'il y a des questions. Si jamais il n'y a pas de questions, le fait que les mains ne sont pas levées, il sait qu'il n'y a plus de questions, donc il conclut sur cela. Donc je vois c'est le cas ici. Donc Inch'Allah, on va se contenter de cela. On laisse Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha ad-dars nafi'an l'islam wa al-muslimin. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحية دماج.afr.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.